y a une bagarre dans la cour de l'école. Ça fait des années que ça ne s'est pas vu. Deux petits mecs au nom long comme le bras ont décidé de régler leurs différends sans passer par un sondage d'opinion. Tous les écoliers sont à trouver. Tiens, encore un autre spectacle gratuit. La surveillante de la cour d'école est sidérée. Comment ose-t-on me déranger dans ma méditation profonde? Ils sont sur le point d'en venir au coup. Faites place, laissez passer le psy. Mais comment est-ce possible, dans une école aussi pacifique, ne peuvent-ils pas s'exprimer par les arts comme tout le monde? Il nous faudrait des échantillons d'ADN pour remonter dans leur généalogie. Peut-être un ancêtre criminel a-t-il laissé des graines de violence à ses descendants? Le directeur de l'école est atterré, lui qui ne jure que par les fleurs. La foule a décidé de participer et d'encourager l'activité. Qu'allons-nous faire? Demande la direction dépassée. Vite, mandatons le comité de parents pour une décision. Pendant ce temps, le sang commence à couler. On appelle des techniciens médicaux pour effectuer des prélèvements. On ne sait jamais avec les maladies. Les blessures jaillissent des deux combattants. Tout ce vacarme et toutes ces émotions ont tout fait d'attirer un animal qui se nourrit de désastres et de malheurs. La cour de l'école a tout fait de pulluler de journalistes et de médias de toutes sortes. La voisine de cour arrière du petit cousin d'un des concernés déclare: pourtant, c'était un jeune sans histoire. Les élèves devront porter un uniforme.